La marquise avait ôté ses loups boutins blancs et jouait du piano pieds nus. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour le marquis, ça voulait dire beaucoup.